Hulot n'hésitait pas. Son parti de refuser était pris, mais pour remercier la bonne et excellente cantatrice qui faisait le bien à sa manière, il eut l'air de balancer entre le vice et la vertu. « Ah ça, tu restes froid comme un pavé en décembre !» reprit-elle, étonnée. « Voyons, tu fais le bonheur d'une famille composée d'un grand-père qui trotte, d'une mère qui s'use à travailler, et de deux sœurs, dont une fort laide, qui gagne à elle 32 sous en se tuant les yeux. Ça compense le malheur dont tu es la cause chez toi. Tu rachètes tes fautes en t'amusant comme une lorette à ma bille. » Hulot, pour mettre un terme à cette séduction, fit le geste de compter de l'argent. « Sois tranquille sur les voies et les moyens, reprit Josepha. Mon duc te prêtera 10 000 francs, 7 000 pour un établissement de broderie au nom de bijoux, 3 000 pour te meubler, et tous les 3 mois, tu trouveras 650 francs ici sur un billet. Quand tu recouvreras ta pension, tu rendras au duc ces 17 000 francs là. En attendant, tu seras heureux comme un coq en pâte et perdu dans un trou à ne pas pouvoir être trouvé par la police. Tu te mettras en grosse redingote de castorine, tu auras l'air d'être un propriétaire aisé du quartier. Nomme-toi Toul, si c'est ta fantaisie. Moi, je te donne à bijoux comme un de mes oncles venus d'Allemagne en faillite, et tu seras chouchouté comme un dieu. Voilà, papa. Qui sait, peut-être ne regretteras-tu rien. Si par hasard tu t'ennuyais, garde une de tes belles pelures. Tu viendras ici me demander à dîner et passer la soirée.